L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Mes petits monstres, puisque ce soir 31 octobre, c'est Samhain, c'est la veille de la Toussaint, c'est Halloween en quelque sorte, et cette période, cette belle soirée d'automne et cette période de l'année se prête à une playlist de circonstances, et je vais pas y couper ce soir, mardi 31 octobre, où vous rejoignez Osmose Radio, où vous me rejoignez moi, Stéphane, votre zombie préféré, vous rejoignez surtout la playlist de L'Heure du Loup, votre émission rock et new wave sur Osmose Radio, disais-je, et on commençait en fanfare, pour ainsi dire, avec les Dead Kennedys et le titre Halloween. Les Kennedys, le président Kennedy, lui aussi, pauvre garçon, c'était en octobre, novembre, qu'il s'est fait évider la tête hein, par un tireur d'élite mal intentionné, décidément. Et ça a mis du résiné partout, là aussi. Ce que je dis vous semble glauque? Ça vous semble creep? Bah justement, c'est pour faire une transition avec le groupe qu'on va écouter maintenant, The Creep Show, et le titre Rue Morgue Radio. Rue Morgue Radio. no return. Souls are taken to the ground as it burns. Airwaves call out into the night. Live through the sounds. We can't see an ending in sight. City will never be the same. Rue Morgue Radio, bah c'est aussi une émission d'ailleurs de rock et de new wave, mais au Canada, du côté de Vancouver. Là, vous êtes sur Osmose Radio en France ce soir. Rue Morgue Radio, bah évidemment, par ce titre, par ce groupe The Creep Show, qui sont canadiens eux aussi. C'est évidemment une référence à la fameuse nouvelle d'Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue. Double assassinat dans la rue Morgue, une nouvelle qui avait été adaptée d'ailleurs, qui avait été adaptée au Festival d'Avignon cet été. Si vous êtes curieux, vous retrouverez l'interview que j'en avais faite des acteurs et des metteurs en scène sur la page des podcasts d'Osmose Radio, chers amis. Mais bon, le festival off, c'était en juillet, c'était cet été. Là, on est plutôt dans les belles journées, les dernières belles journées de l'année. C'est l'été indien durant lequel on en profite pour sortir quand c'est possible, et notamment ce soir, puisque l'occasion s'y prête avec la soirée Halloween ce 31 octobre, cette veille de la Toussaint. Alors ouais, je sais, c'est commercial, ouais, je sais, c'est un petit peu convenu, mais c'est toujours aussi une occasion de se faire plaisir, d'autant plus qu'Halloween, je disais, il y a toujours des soirées, des trucs qui sont organisés, mais aussi c'est l'occasion de faire des activités saines et sans arrière-pensée, comme bouffer de la citrouille par exemple, comme confectionner des masques, ou encore comme buter des zombies. Bon, que ce soit en regardant des séries télé, que ce soit en faisant des jeux vidéo, ou bien s'il n'y a pas de témoins, vous pouvez aussi assassiner vos voisins après tout. Des fois, ça soulage. Et écoutez, je vous dis que ce sont des activités qu'on peut faire avec habileté ou maladroitement. C'est justement l'objet du titre avec lequel on va continuer. I Wanna Kill Zombies With You, par le groupe Maladroit. Baby on a moonless night. night. Our dreams were shattered of our teenage lives. Her severed head sitting on my knee. The words she spoke now. Avec le titre Graveyard Queen. C'était enchaîné juste avant avec Maladroit et le titre I Wanna Kill Zombie With You. Des zombies, une reine de du cimetière. Enfin bref, on a commencé cette playlist consacrée à Halloween ce soir avec une bonne dose de punk et de psychobilly. Vous savez, ce style hein, très inspiré du rockabilly et qui parle tout le temps de ghouls, de vampires, de morts-vivants, de momies, etc., etc. Patin couffin. Et c'est vraiment le style qui colle à la thématique de ce soir, Halloween. Et donc, je vais pas me priver de vous en passer pour commencer, chers amis. Voilà. Parce que le groupe qu'on a écouté tout à l'heure, The Creep Show, ils sont canadiens, Maladroit, ils sont français, et le groupe qu'on écoutait à l'instant, Zombie Ghost Train, ils sont australiens. Quelque chose me fait dire que le psychobilly, l'intérêt pour le psychobilly est international. Et international sera le genre humain, c'est la lutte finale. Excusez-moi, cette année 2017, il faut dire aussi que le mois d'octobre correspond non seulement à Halloween, mais comme chaque année, mais aussi à la commémoration des 100 ans de la révolution russe. Hein. Donc j'ai eu un petit retour de flamme. Pardonnez-moi, chers amis, c'est ça d'avoir été enfant de communiste. Mais bon, je ne vais pas vous parler d'horreur, encore que le régime communiste n'en ait pas été exempt. Hein. Je vais vous parler d'horreur, ben de cinéma d'horreur aussi, notamment comme George Romero qui a réinventé le film de zombies, avec notamment dans son premier, à la fin des années 60, La nuit des morts vivants. Où il y avait ce gimmick notamment au début du film, un garçon qui taquinait sa sœur en disant « Attention, les zombies, ils arrivent pour te choper, Barbara !» Eh bien, ouais, les zombies, parfois, on a peur qu'ils arrivent, viennent pour nous choper. Ce serait peut-être un petit peu le cas de celle avec laquelle on va continuer, « Zombie Girl Gonna Getcha !» I hope we're going to leave them in peace. j'arrive pour t'attraper, mon petit loup. Ah non, désolé, ce n'est que de la radio. Mais qui va savoir si ce ne sera pas le cas un jour. À l'instant, en tout cas, c'était les Zombie Girls qui te gaulaient les oreilles avec ce titre Gonna Get You. Voilà, vous êtes bien sur Osmose Radio, chers amis, dans l'heure du loup avec Stéphane pour une playlist Halloween ce soir, puisque c'est l'occasion. On est le mardi 31 octobre si vous nous écoutez en direct. Et on est de retour dans le mardi 31 octobre si vous nous écoutez en rediffusion. Voilà, chers amis, vous êtes aussi avec Lucas, le gentil technicien d'Osmose Radio. Hein, il est grand, il est blême, il a le front haut, il a le regard dans le vague à force d'abuser des fines herbes. En gros, c'est un peu Lurch dans la famille Adams. Mais bon, sauf qu'il est quand même un peu plus sympathique. Et tiens, puisque je vous parle de la famille Adams, justement, eh bien, il y a un truc assez sympa ce soir à Avignon. Quand vous aurez fini d'écouter Osmose Radio, vous pourrez aller dans les petites rues piétonnes à la maison de Fogas qui se recycle ce soir en manoir de la famille Adams pour l'occasion. Hein, ça fait c'est un des trucs que je vous avais signalé sur l'agenda de la semaine d'Halloween sur le Facebook d'Osmose Radio, que vous pouvez retrouver toutes les informations qui peuvent vous intéresser pour cette semaine sympathique. Voilà, chers amis. Allez, on parlait de Zombie Girl à l'instant. Eh bien, je vous troque une fille zombie contre deux sorcières, ça vous dit? Allez, c'est parti, on écoute tout de suite deux sorcières, Two Witches, avec le titre Requiem. Incubus, Succubus par X-Mile Deutschland, à l'instant ce groupe, un classique de la scène rock gothique des années 80. C'était enchaîné juste avant avec des Finlandais par contre, puisque X-Mile Deutschland, comme l'on a indiqué, était allemand, les Finlandais de Two Witches avec le titre Requiem. Tiens d'ailleurs je vous signale, c'est assez marrant qu'il y a une association qui organise des concerts à Avignon qui s'appelle Musique Sacrée et Orgue en Avignon, qui organise demain pour la Toussaint à la cathédrale Notre-Dame-des-Noms, ils organisent un concert de musique classique. Et ce sera le Requiem de Mozart. Voilà, pour la Toussaint. Je trouve que cette coïncidence, c'est bien trouvé. Bien joué. Et à l'instant, X-Mile Deutschland, Incubus, Succubus. Vous savez, les incubes, les succubes, ce sont des esprits qui viennent la nuit pour pomper votre énergie vitale, si ce n'est autre chose. Et les incubes, ce sont les garçons. Les succubes, ce sont les filles. Et les démons femelles. Et voilà, donc c'est une petite référence aux sorciers, au monde des sorcières, des esprits maléfiques, etc. etc. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, les sorcières et l'Allemagne, ça me fait penser, bah, c'est que Goethe situait l'origine des sorcières sur le Brocken. C'est une montagne assez impressionnante au centre de l'Allemagne. Et dans ses écrits, à la fin du XVIIIe siècle, il avait situé ses histoires de sorcières là-dedans, justement. Et bien justement, j'y repensais parce que dans l'actualité, ce matin, aux infos, j'entendais qu'en Allemagne, c'était un jour férié aujourd'hui parce qu'il fêtait le jubilé du protestantisme, le jubilé en fait de Luther, et qui était fondateur du protestantisme, dont il se réclame en Allemagne, et du coup c'était un jour chômé là-bas. Et quand est-ce qu'ils choisissent de faire ça, les Allemands? Le 31 octobre, qui était dans le calendrier celtique, le Samhain évidemment, qui est devenu Halloween depuis, la fête des sorcières. Donc les Allemands essaient de nous faire croire que ce sont d'austères protestants, etc., alors qu'en fait, oui, ils vénèrent les sorcières, mais sans oser le dire, moi je dis c'est des gros païens, c'est des cachotiers, il faut se méfier de ces gens-là, voilà. Voilà, voilà. C'était pour conclure, chers amis, puisque ouais, on est à deux doigts de conclure. Et bah, comme à notre habitude, ce sera avec un truc un petit peu décalé. Et je vous emmène, puisque là, le Brocken, c'était le fin fond de l'Allemagne, eh bien, je vous emmène au fin fond de la Pampa. Alors, pas en enfer, hein, les enfers que décrit Dante dans sa Divine Comédie, encore que. Non, non, je vous emmène au fin fond des États-Unis avec la musique des Hillbillies. Vous savez, hein, la musique des Hillbillies, c'est le bluegrass, la country western. Enfin, c'est un peu l'équivalent pour les Blancs de ce que le blues est pour les Noirs. Et je vous emmène dans cette musique des Appalaches jouée par les Hillbillies avec le groupe The Dead South et le titre In Hell I'll Be With Good Company. En enfer, je serai en bonne compagnie. Ouais, pourquoi pas, mais bon, en attendant d'y être, eh bien, je vous propose de bien profiter avec vos amis, avec votre famille, avec vos amoureux de cette soirée d'Halloween du 31 octobre et puis de toutes les suivantes, chers amis. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission consacrée un petit peu à la fête des morts, mais avec un petit arrière-roue de musique latina et mexicaine, puisque ce sera un petit clin d'œil au Dia de los Muertos, l'Halloween mexicain. Allez, chers amis, on se quitte avec The Dead South, In Hell I'll Be With Good Company, et restez en bonne compagnie sur Osmose Radio. On a tree.